Bienvenue à Futur Simple, c'est François Grégoire qui vous parle. Le 10 avril dernier, de nombreux médias ont publié la photo d'un trou noir supermassif qui se trouve dans une galaxie près de chez nous, la galaxie Messier 87, située à une distance de 55 années-lumière dans la Voie lactée et photographiée par le télescope Event Horizon. Mais pour photographier un trou noir, ce n'est pas comme photographier une galaxie ou un objet céleste lumineux, ça prend beaucoup d'imagination et d'organisation. Alors, pour nous expliquer comment des astrophysiciens en sont arrivés à photographier un trou noir, c'est-à-dire un corps qui n'émet pas de lumière et qui se trouve de surcroît sur un fond noir, je reçois Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique à l'Université Laval. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi, François. Alors Jean-René, pouvez-vous nous expliquer de quelle façon les astrophysiciens ont-ils procédé pour prendre cette photo et nous dire à quoi correspond cette image que nous avons vu, en fait? Comment doit-on interpréter cette photo? Première chose, je vais vous corriger, François. La distance du trou noir, c'est pas 55 années-lumière, c'est 55 millions d'années-lumière. 55 millions, OK. Ouais. Donc, c'est une énorme différence. L'information qu'on en reçoit, celle de ce qui est autour du trou noir, est partie il y a 55 millions d'années-lumière. Donc, oh là là. On n'était pas là. D'abord, faut faire attention, l'idée de photographie, c'est plus complexe parce que c'est pas une image dans le sens, justement, de prendre une photo. Uh-huh. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce qu'on voit, c'est pas le trou noir, comme vous l'avez bien dit. Le trou noir, ça se voit pas. C'est ça. Ce qu'on voit, c'est la silhouette du trou noir. Okay. Contre le fond du ciel. OK. Le fond de l'univers, si on peut dire. Le fond, ouais. de son fond de ciel. Entre guillemets. Et pour deux raisons, c'est relié à la nature d'un trou noir, et on pourra en revenir sur l'histoire là, un peu plus tard. C'est une région où, dans le cadre de la relativité générale, c'est un phénomène qui n'est pas compris si on ne fait pas appel à la relativité générale, une masse qui sera très dense, donc une très grande masse très compacte, va en quelque sorte faire courber l'espace. Mm-hmm. Toute masse fait courber dans l'espace dans lequel elle est. Le Soleil fait courber légèrement l'espace. Mais un trou noir, ça doit être énorme. C'est énorme. En fait, c'est l'espace est tellement recourbé que l'espace se referme sur lui-même. Donc, vous pouvez être en quelque sorte en orbite jusque proche du Soleil, du trou noir. Il faudra que vous soyez à la vitesse de la lumière. Mais si vous allez juste un petit peu plus loin, vous y passez et vous en revenez jamais. Donc, tout est refermé sur soi. Okay. Tout ce qui rentre n'en sortira jamais et on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est pour ça que la lumière non plus. C'est pour ça que c'est noir, parce que la lumière n'arrive pas à s'échapper de ça. Exactement. En fait, pas seulement la lumière, tout ce qui passe, aucune information, rien n'en ressort. Okay. Et on peut y entrer, mais on n'en ressort jamais. Et c'est cet effet de modification de la structure de l'espace qui nous permet de détecter sa présence au trou noir. Mm-hmm. Il y a d'autres méthodes de technique dans ce cas-ci. C'est, on a en quelque sorte vu le trou noir comme une silhouette qui masque ce qui est derrière et en plus qui met en valeur, entre guillemets, par sa présence, par sa très grande gravité, parce que la gravité reste en s'éloignant du trou noir, elle diminue, mais elle est toujours extrêmement forte. Et ce qui se passe, c'est que la matière qui s'approche du trou noir, et c'est assez compliqué de s'approcher d'un trou noir, cette matière est chauffée. Et à de très grandes températures, des températures de dizaines de millions de degrés. Et cette matière va être en quelque sorte devenir lumineuse dans plusieurs ondes, dont les ondes radio, par un type de rayonnement qui est particulier, qu'on appelle le rayonnement synchrotron. Et l'autre chose aussi, le trou noir va agir comme une lentille. Donc, le trou noir va en quelque sorte lentille gravitationnelle, exactement, comme un mirage. Et le trou noir va faire courber la lumière des sources qui sont proches et aussi de celles qui sont derrière, de sorte que ce qu'on va voir, qui est comme un anneau lumineux, va être une combinaison de ces deux phénomènes, de lumière qui est autour et qui est déviée par la lentille gravitationnelle qui est le trou noir, et aussi de la lumière produite par les phénomènes physiques de chauffage qu'il y a dans le voisinage du trou noir. Et ce qu'on voit, vous le voyez comme un anneau. Vous voyez, comme un anneau, mais en fait, c'est une coquille. Donc, c'est une coquille relativement mince. Donc, elle est creuse parce qu'il n'y a rien au centre, c'est le trou noir. Et vous allez voir plutôt comme la forme d'un anneau, dans ce cas-ci, une forme comme un beigne. Mais rappelez-vous que c'est tridimensionnel. C'est une coquille tridimensionnelle qui est réellement dans l'espace, espèce de bulle vide qui enveloppe le trou noir. OK. Et les photos, en fait, les données ont été recueillies quand? Donc, les données ont été recueillies. C'est un effort de... Il n'y a aucun télescope par lui-même qui peut être utilisé pour observer ça. Il faut, en astronomie, comme dans toute chose, quand vous utilisez la longueur d'onde pour observer quelque chose, vous allez dépendre pour la résolution angulaire, c'est-à-dire la finesse des détails que vous allez observer, vous allez dépendre de la longueur d'onde. Donc, okay. Et dans le domaine du visible, on pourrait potentiellement observer la dimension du trou noir, mais on n'est pas capable de faire des télescopes suffisamment grands. Donc, l'autre aspect technique, il faut avoir un grand collecteur, une grande surface de miroir pour avoir une puissance de résolution qui nous permettrait de le voir. Et dans le cas ici, on parle finalement de simulation d'une grande ouverture en prenant finalement des morceaux de télescopes distribués à travers la Terre en utilisant ces télescopes-là et on fait ce qu'on appelle la synthèse d'ouverture. Donc, on fait travailler ces... Vous pouvez imaginer comme ces télescopes individuels, ce serait comme des petits morceaux d'un immense miroir de la grandeur de la Terre et on fait une chose encore plus compliquée, on laisse tourner la Terre pendant qu'on observe, fait que ces petits morceaux de miroir virtuel... Est-ce qu'il faut les synchroniser? Il faut absolument les synchroniser, on peut y revenir, et ils tournent, donc on constitue, on fait une synthèse d'ouverture, on constitue comme l'équivalent d'une grande antenne qui aurait la dimension de la Terre. Okay. Parce que ces radiotélescopes étaient distribués de l'Antarctique jusqu'au Groenland, au Chili, à Hawaï et en Espagne. Et c'est important la distance, justement? On peut pas avoir fondamental. 8 télescopes tout près l'un de l'autre, la résolution serait moins bonne. La résolution serait moins bonne. Ouais. Okay. Mais quoi qu'ils sont importants d'avoir la collection qui est serrée comme le réseau de systèmes d'Alma. Donc, finalement, tous ces 8 télescopes-là recueillaient des données de ce trou noir-là, et ces données-là sont collectées quelque part, et il faut les utiliser pour synthétiser une image. On utilise un phénomène qu'on appelle l'interférence pour faire battre les différents signaux ensemble, et c'est comme ça qu'on peut obtenir la très grande résolution. C'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, c'est en quelque sorte ce qu'on fait, on enregistre, on observe en même temps. L'important, c'est tout le monde observer en même temps. Et ça a été compliqué de coordonner ça. Ça va que tout le monde fonctionne ensemble, puis que le temps, la météo, soit favorable aux 8 endroits. Ah ben oui. Parce que même si c'est dans les ondes radio, on est sensible à la vapeur d'eau. La vapeur d'eau rend le ciel lumineux, même aux longueurs d'onde millimétriques. Donc il fallait qu'il soit sec, l'air soit très sec. D'ailleurs, tous ces télescopes sont spécialisés pour le millimétrique et ils sont en haute altitude parce que la vapeur d'eau diminue beaucoup plus rapidement que la densité de l'oxygène. Et ils ont été coordonnés en même temps pour observer et chacun avait une horloge atomique pour enregistrer en même temps que le signal. Donc, toutes ces données ont été collectées sur des bandes magnétiques, parce que là, c'était impossible de transmettre ces données-là par Internet ou par satellite. La quantité était trop grande et aussi les risques que la précision des signaux enregistrés soit perdue. Et là, c'était compliqué parce qu'il y avait, entre autres, un observatoire critique au pôle sud. Et là, de transporter de l'équipement, souvent, c'est par coup de 6 mois à cause des saisons et c'est fait par avion. Donc, les observations, le système a été coordonné depuis 10 ans à peu près. Et les observations ont eu lieu en avril, quatre journées en avril 2017, où tout le monde était correct, les systèmes fonctionnaient, aucune panne technique, et il faisait beau partout. Okay. Et pendant ces 4 jours, quelques heures par jour, parce que tout le monde doit voir la source en même temps, et la Terre tourne. C'est ça. Donc, c'était une observation absolument extraordinaire, une coordination d'équipes de quelques centaines de personnes. Donc, ces données-là valent énormément d'argent. Là, ça vaut plus que de l'argent. Oui, tout à fait. Mais on sait que pour l'instant, il n'y a seulement qu'une photo qui a été émise. Est-ce qu'à partir de ces données-là, on pourrait en en synthétiser d'autres, en faire d'autres, ou est-ce qu'il y a d'autres corps qui ont été aussi observés comme ça? En fait, il y a un autre trou noir qui est imagé, celui-là est beaucoup plus proche. Il est 1000 fois moins massif que le trou noir dans Messier 87. Donc, il faudrait revenir aux propriétés des trous noirs. Ouais. Mais il est 1000 fois plus proche. Il est au centre de notre Voie lactée. Donc, celui-là, il est à 25 000 années-lumière. Okay. Donc, on est 2000 fois plus proche que l'autre. Donc, le trou noir est aussi à peu près 1,5 fois moins massif. Et le rayon d'un trou noir, la silhouette qu'il fait sur le ciel, est directement proportionnel à la masse. Donc, le étant 2000 fois moins massif, sa dimension est, en fait, de l'ordre de quelques millions de kilomètres. Okay. Alors que celui au centre de Messier 87 est 6 milliards et demi de fois la masse du Soleil, inimaginable. Et son diamètre est de 3 fois le diamètre du système solaire. C'est, même pour moi, astrophysicien, c'est inimaginable de penser à une bête pareille. Donc, à l'heure actuelle, il y a des observations qui sont faites par ce Event Horizon Telescope, qui est cet ensemble de 8 télescopes, et aussi des observations qui sont faites par un instrument qui, lui, utilise la lumière infrarouge. Donc, avec un interféromètre qui est fondé sur les 8 grands télescopes optiques infrarouges de l'European Southern Observatory, l'observatoire de l'hémisphère sud des Européens, qui est basé au Chili. Et c'est un nouvel instrument qu'on appelle Gravity, le nom est bien porté, qui aussi image potentiellement cette silhouette. Le problème avec le trou noir au centre de la Voie lactée, c'est qu'il est énervé, il y a trop d'actions qui se passent. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que il fait, c'est que ce qu'on veut voir, la silhouette. Donc, pour voir la silhouette, il faut deux choses. Il faut qu'il y ait un fond d'étoiles qui vont être déviées par le trou noir pour qu'on en voit la silhouette. Oui, je comprends. Parce que si le trou noir était dans l'espace comme ça, on n'aurait aucune idée. C'est ça, ça prend un fond un peu lumineux. Ça là, prend quelque chose des étoiles, puis les étoiles vont être déplacées, vont être distendues et tout. Et l'autre ça prend peu de matière autour. Il faut qu'il soit assez tranquille. Il ne faut pas qu'il y ait trop de matière qui est autour en train de se rapprocher tranquillement. Et le trou noir galactique, celui au centre de notre galaxie, lui, le problème, c'est cette dernière cause, il y a trop de choses qui se passent. Il y a toujours un peu même des étoiles qui tombent sur le trou noir pour toutes sortes de raisons, qui rentrent dedans, donc il y a des flashs et tout. Et en plus, ce qui complique les choses, c'est que nous, on regarde le trou noir, on est dans une galaxie qui a beaucoup de nuages de poussière microscopique interstellaire qui nous bloque la vue. Ça nous bloque et ça chauffe, ça produit sa propre luminosité. Donc, il faut être capable de soustraire ce signal-là, ce qui est très compliqué. Et en fait, parce que le trou noir au centre de la Voie lactée, en principe, devrait être beaucoup plus facile. Il devrait nous apparaître 2 fois plus gros sur le ciel que celui de Messier 87. Donc, autrement dit, ces poussières-là peuvent créer une espèce de voile. Exactement. Donc, qu'on peut quand même soustraire. Le problème, c'est qu'il y a une très grande variabilité avec le temps. Okay. Donc, c'est extrêmement complexe parce que souvent, on va soustraire quelque chose si le signal est stable en le comparant avec quelque chose qui est très stable. Ouais. Et là, si ça varie, c'est extrêmement difficile. Effectivement. Ouais. Est-ce qu'on aurait pu utiliser du télescope en orbite autour de la Terre pour avoir une meilleure résolution? Donc, ça, c'est le projet d'avoir un télescope qui va agrandir la base avec laquelle on fait ce réseau d'interférométrie pour créer ce télescope virtuel avec seulement des petits morceaux. Et l'approche qu'on a à l'heure actuelle, qui est un projet futur, c'est d'avoir un radiotélescope qui serait en orbite géosynchrone, donc à peu près à 40 quelques mille kilomètres. Donc, on triplerait la... Ça veut dire qu'il tournerait à la même vitesse que la Terre? Oui, c'est ça. Donc, on pourrait travailler. En fait, l'idéal serait d'en avoir plus qu'un, là. Ouais. Mais ça va prendre des sous, que ça va coûter très cher d'avoir une antenne comme ça. Surtout qu'une antenne millimétrique doit avoir une surface de très haute qualité. Donc, ça sera coûteux d'avoir un projet comme ça. On va parler de milliards de dollars. Okay. Alors que le système terrestre comme tel, il y a pratiquement rien coûté. En fait, la NSF a investi 26 millions de dollars pour produire ce super télescope, Event Horizon Telescope. Il faut compter les investissements ont été faits pour les télescopes qui fonctionnent comme tel, mais l'investissement, entre guillemets, là, les infrastructures c'est pas déjà cher là, par grandeur par mètre de diamètre de télescope. Oui, c'est un fait. Cela dit, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est un trou noir, Jean-René? Ben, j'ai déjà expliqué. En fait, c'est une région de l'espace qui est repliée sur elle-même. En fait, l'idée de ce bête-là est assez ancienne. On l'a fait remarquer dans les reportages. Entre autres, un astronome britannique, John Mitchell, et le grand astronome mathématicien français, Pierre-Simon de Laplace, qui ont émis l'hypothèse à la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle. Eux, ce qu'ils imaginaient, n'avaient aucune idée de la relativité générale de l'espace qui est courbé par la présence des masses, et encore moins qui se replie pour se refermer. Et ils ont parlé d'étoiles noires. Donc, pour eux, l'idée était qu'on avait des étoiles normales, donc qui émettent du rayonnement. Et l'idée qu'ils avaient, c'est que est-ce qu'une étoile pourrait atteindre une masse et être si compacte que sa vitesse d'échappement va être plus grande que celle de la lumière. Donc, l'étoile émettrait la lumière, mais elle serait pas capable de... Cette lumière serait pas sortie. Donc, c'était l'idée. Donc, il y avait une idée d'un objet, mais ça n'a rien à voir avec le concept moderne et ce qu'on voit qui est extrêmement plus riche et complexe et en même temps beaucoup plus simple parce que on n'a pas besoin de se casser la tête d'une étoile qui produirait des réactions nucléaires. On sait que la matière est complètement finie. Elle n'existe plus dans les états normaux décrivables par la physique. J'imagine qu'on peut pas savoir dans quel état il se trouve puisqu'il n'y a aucune information qui en sort. On n'a aucune idée. Et d'ailleurs, on n'a pas de bonne connaissance de l'état de la matière à ses densités extrêmes qui implique qu'on ait une théorie unifiée de la gravité et de la mécanique quantique qui décrit les propriétés physiques à des échelles microscopiques. Donc ça, il n'y en a pas question. C'est pas encore fait. Là. Même en dehors de trous noirs, comme tel, on comprend mal la matière dans ces états-là. Donc, le concept, faut faire attention, quand on parle de que Mitchell et notre ami Laplace auraient émis cette idée, c'était loin du concept présent qui, lui, a été proposé par Karl Schwarzschild, un physicien allemand, en 1916, juste un an après la relativité générale d'Einstein. Einstein n'a pas prédit les trous noirs. Ah non, OK. Einstein avait la relativité générale. Comme beaucoup de choses, Einstein a fait la relativité générale. C'est les autres qui ont sorti le panier et ils ont sorti tous les cadeaux. Ils ont résolu les équations. Puis ils ont trouvé toutes sortes de solutions, dont l'expansion de l'univers. Okay. Donc, dans ce cas-ci, Einstein a tout de suite accepté la proposition de son collègue dans ses deux articles de 1916 de Karl Schwarzschild, qui, lui, n'a pas parlé de trou noir. Il a parlé du concept d'espace replié sur lui-même et il a même donné la petite équation très, très simple qu'aurait le diamètre d'un trou noir. Il aurait simplement deux fois grangé la constante gravitationnelle, la masse divisée par la vitesse de la lumière au carré. Donc, c'est simple. Un trou noir, c'est juste sa masse qui compte et rien d'autre. Et à l'époque, j'imagine qu'on connaissait pas l'existence de trous noirs. Ça devait être complètement ésotérique. Et d'ailleurs, c'est un fait, hein? Et d'ailleurs, les physiciens se sont cassés la tête dans les années 70. L'idée est revenue et tout. C'est Archibald Wheeler qui était dit, on n'a pas le choix. Et c'est lui qui a donné le nom trou noir à cette bête-là, à cet objet-là, qui replie l'espace sur lui-même. Et il a résisté. Il dit, il y avait le concept en horreur. Il dit, pourquoi imaginer que la matière se mette à chuter sur elle-même, chuter, sans jamais s'arrêter. C'est ça. Ouais. Parce que c'est ça, au fond, on ne sait pas ce qui se passe. C'est comme si la matière tombe, vous tombez dans un trou noir, vous arrêtez jamais de tomber. Et les trous noirs, est-ce qu'il y en a de différents volumes, de différentes masses? La masse, oui. Okay. On en connaît. Mais est-ce qu'il y a une masse limite? Non. Autant petite que grande, non? En fait, il n'y a pas de limite. Petite, oui, il y en a peut-être une, parce que si Steve Hawking a raison, quand un trou noir devient petit, il s'évapore. Il s'évapore et produit un flash de rayon gamma. Ça, on n'a jamais observé ça. C'est purement hypothétique. Okay. Donc, c'est pour ça qu'un trou noir, en principe, qui a une autre propriété absolument extraordinaire. Sa température est 0 degré Kelvin. À zéro? Un trou noir est à 0 degré. C'est la seule chose dans l'univers qui va être à 0 degré. Je pensais que c'était impossible d'atteindre ce 0 Kelvin. Donc, seul trou noir l'a atteint. Il n'y a rien qui sort. OK. C'est la propriété même. Rien que ça. Sauf si Hawking a raison, un trou noir émettrait une radiation qu'on appelle radiation d'Hawking, qui serait le sujet pour une autre entrevue. Là. Mm-hmm. Et à ce moment-là, un trou noir comme celui au centre de notre Voie lactée aurait un milliardième, deux milliardièmes, deux milliardièmes de degré Kelvin. Donc, c'est simple comme bonjour, un trou noir, la température est zéro degré. Incroyable. Et Jean-René, il existe trois catégories de trous noirs. C'est ça. Donc, ça revient à la question de masse. Ouais. Donc, en gros, les trous noirs les plus petits qu'on observe, qu'on connaisse, ce sont des trous noirs de nature stellaire. Le résultat du centre d'étoiles très massives qui ont explosé et en explosant, les parties extérieures, les parties intérieures ont implosé, tombé sur elles-mêmes. Et ce sont... augmenter en densité pour refermer l'espace sur lui-même et créer un trou noir qui aura quelquefois la masse du Soleil. Donc, les plus petits qu'on connaît sont à peu près 7 à, disons, 30 fois la masse du soleil. Donc, eux, ils sont petits. Et ceux-ci sont très intéressants parce que ils peuvent arriver en paire. Donc, deux étoiles massives explosent en supernova, il reste deux étoiles à neutrons ou deux trous noirs dans ce cas-ci. Et quand ils se rapprochent, vont faire une coalescence et émettre des ondes gravitationnelles. Comme c'est arrivé l'année passée. Comme c'est arrivé il y a 4 ans maintenant. C'est 4 ans, OK. 2015. Donc, ce sont des objets intéressants. Maintenant, on a 10 observations de coalescence de trous noirs qui ont envoyé un signal d'onde gravitationnelle. Donc, ce sont les trous noirs de masse stellaire. Donc, à peu près... donc, leur diamètre est de l'ordre de, disons, une trentaine de kilomètres. Mm-hmm. Donc, le Soleil, si on le mettait en trou noir, il y aurait 3 kilomètres. La Terre, si on le mettait en trou noir, elle aurait 1 centimètre. Uh-huh. Oh là là. L'autre catégorie, c'est ce qu'on appelle les trous noirs de masse intermédiaire. Et je me souviens, j'étais à Gemini quand on a découvert le premier trou noir de cette nature-là, qui est au centre des amas globulaires. Les amas globulaires sont des amas d'étoiles très vieux qui rassemble à peu près 100 000 à 1 million d'étoiles. Et ce qui arrive probablement qu'au centre de ces étoiles, il y a des échanges et les étoiles rentrent l'une dans l'autre et vont grossir et ils vont faire des trous noirs. Donc, leur origine est très différente de la première catégorie. Trous noirs stellaires, résultat de supernova. Ici, c'est plutôt probablement le cannibalisme central de ces étoiles-là. Et là, on a ce qu'on mesure, ce sont des trous noirs qui ont des masses de l'ordre d'à peu près 10 000 fois la masse du Soleil. Mm-hmm. Et enfin, l'autre catégorie, ce sont les trous noirs à dimension galactique. Eux, ils se mesurent en masse, en millions et en milliards de fois la masse solaire. Et eux, on n'a aucune idée de comment ils se forment. Et ils datent depuis les tout débuts de l'univers. Et ça, c'est une des grandes questions à éclaircir dans les années qui viennent. Les gens se cassent la tête déjà depuis quelques décennies pour en expliquer la nature et l'existence. Et est-ce qu'il y a d'autres techniques d'imagerie de trous noirs que celles, en fait, utilisant la télescopie Event Horizon? Oui, absolument. Une autre technique, on vient de la mentionner, la détection d'ondes gravitationnelles. Pour moi, c'est la plus belle preuve que des trous noirs existent. L'image de la silhouette dans Messier 87, ce n'est pas une évidence aussi directe pour moi que l'observation d'ondes gravitationnelles. Je peux faire l'avocat du diable, je dirais, avec mes collègues, je dirais qu'il y a peut-être moyen d'expliquer pourquoi il y a cette espèce de silhouette au centre qu'on ne voit pas, que ce n'est pas nécessairement un trou noir. Donc, quand même, je suis prêt à accepter à 99% du temps, mais les ondes gravitationnelles, c'est le plus sûr. L'autre, c'est d'observer des rayons X qui viennent d'étoiles, qui sont des rayons X qui sont très, très grande énergie, qui sont dus à la matière qui est autour du trou noir, qui est chauffée à bloc pour produire des rayons X. Donc, et là, on peut mesurer avec des paires d'étoiles. Une chose pour terminer que je veux signaler, contrairement à tout ce que vous entendez et ce qu'on vous dit, les trous noirs n'aspirent pas. C'est vrai qu'on entend souvent dire ça. Si c'était le cas, on ne serait pas là. C'est vrai. C'est vrai. Les trous noirs auraient tout gobé, tout avalé. Donc, on est là parce que c'est très dur de tomber dans un trou noir. Très, très dur. Ça demande beaucoup d'énergie. Il faut perdre beaucoup d'énergie orbitale. Il faut, en quelque sorte, diminuer de vitesse. Et quand on tombe dans un trou noir, la vitesse augmente pour nous empêcher vraiment de tomber dedans. Donc, c'est en arrivant proche, les particules, les corps vont rentrer en collision. Il y en a un qui va s'accélérer, il va s'échapper, va s'éloigner, tandis que l'autre, lui, va se rapprocher, va réussir à tomber. Mais c'est extrêmement difficile de tomber dans un trou noir, et les trous noirs ne sont pas des aspirateurs. Et effectivement, que cela soit dit. Merci infiniment, Jean-René Roy, pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes astrophysicien et professeur associé au département de physique à l'Université Laval, et c'est toujours un plaisir de vous recevoir à Futur Simple. Et de parler de belles découvertes de temps à autre. Effectivement. Restez avec nous. On va recevoir, après la pause, Cyril Barrette.